Le mercredi 12 octobre, bon midi à tous, voici les informations. La démolition du centre du Rocher dans le quartier Saint-Sauveur a débuté seulement quelques heures après que des citoyens aient manifesté hier soir dans une ultime tentative de sauver le bâtiment. Dès 7 heures ce matin, la machinerie était en place et les premiers murs étaient éventrés. Le centre communautaire sera remplacé par un bâtiment de 69 logements et un point de service de la bibliothèque tel qu'annoncé récemment par la Ville de Québec. Le comité citoyen souhaitait plutôt convertir le centre communautaire en maison de la culture. L'administration municipale a jugé trop cher les coûts de réfection qui s'élèveraient à plus de 20 millions de dollars, selon ce qu'a avancé l'administration Labeaume. Selon un récent sondage commandé par la ville, elle aurait le soutien d'une faible majorité de résidents dans le quartier Saint-Sauveur. L'humoriste Mike Ward pourra porter sa cause en appel. Un juge du palais de justice de Montréal a tranché. Il s'est rendu aux arguments de l'avocat de Ward, estimant que la place de la liberté artistique dans le droit à la liberté d'expression méritait d'être débattue. Rappelons que Mike Ward a été condamné par le tribunal des droits de la personne à verser 42 000 $ à Jérémy Gabriel et sa mère en raison d'un sketch méprisant à son égard. Dossier du troisième lien à Québec, autour du ministre fédéral Jean-Yves Duclos de s'en mêler. Au cours d'une mêlée de presse ce matin, le ministre de Québec a estimé qu'il revenait au gouvernement du Québec, gouvernement provincial, de choisir ses priorités en matière de transport. Il n'a cependant pas caché que le projet de SRB, de service rapide par bus, lui semblait davantage prioritaire que le projet de troisième lien entre Québec et Lévis. Il a rappelé que le fédéral s'était engagé à investir 120 milliards de dollars sur 10 ans dans les infrastructures au pays et que la Ville de Québec bénéficierait certainement d'une enveloppe, elle aussi, pour améliorer la fluidité des transports. Enfin, ne soyez pas surpris si vos programmes à la radio et à la télé sont interrompus cet après-midi. Le ministère de la Sécurité publique informe qu'il procédera à un test de son système Québec en alerte. Quelques minutes avant 15 heures, le système se mettra en branle, interrompant la programmation au profit d'un message automatisé du gouvernement. Toutes les stations de radio et ont l'obligation de diffuser ce message. La météo est une présentation de Rainfray Volkswagen. Durant le Volksfest, réveillez-vous au volant de la Volkswagen de vos rêves avec le financement à partir de 0% sur 84 mois ou jusqu'à 6000 $ de rabais. 15 degrés et généralement nuageux, telles sont les conditions météo présentement à Québec. Le mercure devrait grimper à 16 degrés cet après-midi. Des nuages cette nuit avec un minimum de 8 degrés. Demain jeudi, quelques averses en après-midi avec un maximum de 16 degrés. Retour du soleil programmé pour vendredi avec 10 degrés. Vous écoutez, c'est KRL 89.1.